Le vendredi 23 décembre, ici Dominique Lelièvre et les actualités. D'abord, des centaines de constats d'infraction sont retardés en raison du jugement qui discrédite les radars photos. Selon Radio-Canada, les causes sont interrompues dans les palais de justice de la province à la demande du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui n'a toujours pas pris de position à la suite de cette décision de la Cour supérieure dans laquelle le juge Serge Simon avait déclaré inadmissible la preuve recueillie par les photos radars. Le gouvernement a normalement jusqu'au 28 décembre pour porter cette cause en appel. Il n'a pas encore indiqué quelle serait sa réponse. À Lac-Beauport, l'analyse de la qualité de l'eau des résidences situées à proximité de l'école Montagnac se poursuit. Sur 97 résidences testées, 3 présenteraient une eau contaminée. La commission scolaire des premières seigneuries précise cependant qu'on ne peut pas déterminer avec certitude si la source de la contamination provient de cette nouvelle école dont le raccordement a posé problème ou s'il y a une autre explication. Les résidences touchées par une contamination font encore l'objet d'un avis d'ébullition en entendant de nouvelles analyses. La boule de neige de Québec sera illuminée dès cet après-midi à la place Dioville. L'installation acquise en 2014 au coût de 175 000 $ sera officiellement mise en service dès 16 heures. La scène circulaire accueillera d'ailleurs dès ce soir un spectacle de chant et de lecture. Et à partir du 30 décembre, elle s'animera ainsi tous les vendredis, samedis et dimanches. La ville décidera à l'issue de cette première expérience si cette gigantesque boule de neige sera de retour l'an prochain. Le maire de Québec, Régis Labeaume, dresse un bilan positif de l'accueil de réfugiés syriens au cours de la dernière année. La ville de Québec a accueilli 1000 immigrants en 2016, dont près de la moitié sont d'origine syrienne. Et de passage au centre multiethnique hier, le maire s'est réjoui du taux de rétention de 81% des immigrants. Scène internationale, enfin, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin a été neutralisé à Milan. Après 3 jours de cavale, le principal suspect a été repéré près de Milan, en Italie, lors d'un contrôle d'identité. Il s'est montré menaçant à l'endroit des policiers qui ont donc décidé de l'abattre. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Ce sera nuageux cet après-midi avec un maximum de 0 degré, maximum que l'on a atteint déjà. Demain, samedi 24 décembre, c'est le même scénario, 0 degré avec de la neige. Dimanche, moins 5 degrés, ce sera ensoleillé et Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial. On attend un cocktail de précipitations le lundi 26 décembre. Il y a une perturbation qui devrait se développer en fin de semaine au Colorado et traverser le Québec en début de semaine prochaine. Environnement Canada met en garde à l'effet qu'il pourrait y avoir des accumulations de neige importantes lundi prochain.